Je suis avec les trois membres du groupe Pearl, à savoir Aline, Thibaut et Bastien, pour parler de leur quatrième album Architecture du Vestige qui va sortir le 24 octobre chez Clonosphère. Déjà, merci beaucoup de m'accorder cette interview, c'est hyper cool. Merci à toi. Merci à vous. Et puis pour la petite histoire, je suis très très fan de votre précédent album, Les Maîtres du Silence. Je l'écoute très régulièrement, donc ça me fait vraiment plaisir. C'est cool. Je vais commencer tout de suite par vous demander un peu la question de base, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce qu'est Pearl et de la genèse du groupe, enfin, de comment vous êtes trouvés, tout ça? Wow, ça remonte. Le groupe s'est créé en 2008, si j'ai pas de bêtises, novembre 2008 d'ailleurs pour être encore plus précis. À la base, c'était Bastien et moi en fait qui cherchions en fait à remonter un groupe après le split de notre ancien groupe de métal symphonique, mélodique, tout ça. Et je sais plus qui a posté une annonce sur Audio Fanzine. Plus si c'est toi, Aline ou nous, je sais plus. Je crois Ça que c'est remonte à vous qui loin. avez posté une annonce. Et moi, j'y ai répondu, mais vous avez. C'était vous qui aviez posté l'annonce pour chercher quelqu'un à la guitare. Ouais, voilà, donc ça a commencé comme ça, quoi, avec Audio Fanzine, petites annonces, et puis après, pas mal de répétitions. Putain, je suis crevé, j'ai plus la timeline en tête, là, du groupe. En fait, on avait une chanteuse à ce moment-là. On avait fait peut-être deux répètes avec elle et à peu près au moment où Aline est arrivée, la chanteuse est partie à Lyon. Ok. Donc du coup, on s'est retrouvés à trois et en fait, on s'est rendu compte qu'on était très bien à trois. Et Aline a eu le malheur ou le bonheur de nous dire, ah au fait, les mecs, dans mon ancien groupe, je faisais des chœurs. Elle s'est retrouvée propulsée chanteuse-guitariste alors qu'elle n'avait Peu pas de signé pour ça au responsabilité, ça début. va. À l'insu de son plein gré, comme on dit dans le cyclisme, ceux qu'on la ref. Ok. Et niveau influence, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous regroupe tous ensemble? Le zouk, indéniablement. Ouais, surtout Francky Vincent, en plus il vit près de chez moi. Et On a la chance tous les trois d'avoir énormément d'influences différentes, c'est-à-dire que c'est pas comme s'il y en a un qui était 100% doom, l'autre qui dit je compte que sur le black metal et le troisième qui dit moi c'est la pop indépendante. Au final, on se retrouve sur énormément de groupes et énormément de styles. Et donc du coup, on peut même pas dire qu'on a forcément de, on peut même pas dire qu'on a forcément des groupes qui nous ont liés dès le début. Aussi, ça fait maintenant tellement longtemps qu'on est ensemble qu'on s'est un peu nourri les uns les autres des choses qu'on aimait bien. C'est-à-dire qu'Aline a longtemps été un peu la blackeuse du groupe, celle qui écoutait vraiment style de musique, alors que pour Thibaut et pour moi, c'était assez inécoutable. Et je pense qu'elle a réussi à nous convaincre au fur et à mesure, par exemple. Ouais, en fait, ça que je me rappelle qu'au début du groupe, on voulait faire un groupe de rock metal, entre guillemets, pour un peu, on va dire, mettre un petit peu ce qu'on veut dedans, tu vois, différents éléments du rock ou du metal, que ce soit du rock progressif ou du metal un peu alternatif, tout ça. Et puis finalement, bah en fait, aujourd'hui, on fait du post-metal, on met un peu ce qu'on veut dedans, quoi. C'est un peu C'est ça. l'avantage de ce style aujourd'hui, c'est que Ouais, tu et peux c'est faire ça pareil un peu avec ce le que tu prog, tu vois. Le prog, veux. c'est pareil. Tu peux mettre un peu. Enfin, c'est un terme qui est un peu devenu un petit peu fourre-tout et qui a un peu tendance, tu vois, à changer au fil du temps. Tu prends, je sais pas, Dream Theater ou Animals as Leader, c'est pas du tout la même façon de penser le prog, par exemple. Donc, bon, j'ai peut-être envie de dire que pour le post, c'est peut-être pareil, possiblement. Voilà. Ok. On va essayer de rentrer un peu plus dans votre groupe. Une des caractéristiques principales de votre groupe, je trouve, c'est ta voix, Aline, qui est, je trouve, immédiatement reconnaissable, et votre choix de chanter en français. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as préféré prendre le français plutôt que l'anglais, qui est quand même beaucoup plus couramment utilisé? En fait, le choix s'est fait d'une manière assez simple. C'est que quand on a commencé Pearl, moi j'écrivais déjà pas mal de textes, mais pas forcément pour la musique. Juste pour moi, j'écris pas mal de poésie et choses comme ça à côté. Et j'ai vraiment l'habitude d'écrire en français, du coup. Puis j'ai fait des études en littérature et en philosophie, donc en français. Et c'est vraiment une langue que je maîtrise, dont je maîtrise l'écriture, les concepts, les notions. Et pour moi, en fait, c'était beaucoup plus facile d'écrire des textes et des choses en français. Et comme je ne supporte pas d'écrire des choses qui ne font pas sens, vraiment, je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention à ce que j'écris. Les textes et les mots ont pour moi énormément de sens. Et du coup, moi, je trouvais ça dommage d'avoir un groupe français qui chante en anglais. J'avais l'impression de perdre un peu quelque chose. Après, pour le chant, il y a deux points de vue, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a ce parti pris de dire, bah, je ne vois pas pourquoi l'anglais sonnerait toujours mieux. Il y a je veux dire, en France, on a la chanson française et on a eu des très bons chanteurs. On a eu des très belles chansons. Voilà, je pense à des femmes comme Barbara, tout ça, qui vraiment ont des chansons françaises hyper mélodieuses, en fait. Hein. On a vraiment des grandes voix. Donc pourquoi pas dans le rock? Après tout, pourquoi est-ce que dans le rock ou dans le métal français, on pourrait pas aussi avoir des grandes voix ou des grands chants en français? Et puis ensuite, tout simplement parce qu'à l'époque, maintenant ça va mieux parce que j'ai vécu un peu entre la France et la Suède. Non, je vis toujours entre la France et la Suède. Et du coup, j'ai beaucoup développé mon anglais avec la Suède. Et avant, j'avais un accent absolument déplorable, on va pas se mentir. Alors je sais que certains aiment bien le côté Frenchie dans l'accent anglais, ça peut avoir son charme. Mais personnellement, moi, j'avais horreur de mon accent anglais. Donc. Voilà, du coup, je me suis dit, bah, après tout, quitte à chanter, je préfère garder ma langue d'origine, parce que l'anglais, j'ai pas un accent super, ça va pas être fou. Et ensuite, il y a aussi le côté, bah, dans le métal, on voit de plus en plus de groupes qui gardent leur langue maternelle, en fait. Hein. Tu prends Sostafir en islandais, des groupes qui chantent en allemand, et finalement, on se rend compte que c'est pas du tout une barrière. D'ailleurs, Pearl s'écoute beaucoup à l'étranger. Dans des pays où ils comprennent pas forcément les textes et ça marche très bien en fait. Là, tu disais Voilà. que chaque mot était important pour toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as voulu faire passer dans ce nouvel album? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que l'album précédent était très axé sur le rapport de l'homme avec la nature, le sauvage, le vivant. Et là, je voulais revenir et faire un focus un peu plus sur l'humain, en fait, sur l'être humain, et notamment sur les émotions qui peuvent nous traverser tout au long d'une vie ou d'une période. Mais je voulais quand même garder un petit côté connecté avec la nature, parce que chez moi, c'est un truc important. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à me détacher. Et en plus de ça, je reste persuadée que l'homme, de toute façon, quoi qu'il en dise, est dépendant et connecté à la nature, quoi qu'il en soit. Même la plus urbaine des personnes a un lien forcément à un moment donné avec son environnement. Mais voilà, je voulais refaire un focus un peu sur l'être humain et les émotions qui peuvent nous traverser. Et donc l'idée, pour dégrossir le truc, c'était une émotion est caractérisée par un espace. Alors ça peut être un espace naturel, ça peut être un espace de notre imagination, ça peut être un espace mental, d'où en fait, par exemple, tu prends le duo par exemple avec Sam de Poix-Morts qui s'appelle Lens End. Lens End, c'est le nom d'une falaise rocheuse, d'une grande pointe rocheuse en Angleterre où les vagues sont énormes. C'est un milieu extrêmement difficile, angoissant et escarpé. Et c'est un morceau qui traite de l'angoisse et de la peur et du repli sur soi avec ce côté être dans un. En fait, et de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau et de se heurter contre les falaises. Naufragé des nuages, c'est une forme de chute dans des cascades, en fait, sauf que là, c'est des cascades un peu nuageuses, brumeuses. Archipelago, c'est une chanson sur l'amour, finalement. Et là, on a pris comme métaphore les archipels, mais ce n'est pas les archipels ensoleillés des îles paradisiaques, c'est vraiment l'archipel suédois, l'archipel de. Autour de Stockholm, l'archipel, voilà, un peu plus vert et bleu, quoi. Donc voilà, en fait, chaque émotion en fait est caractérisée par un type d'espace. Au Royaume des songes, c'est vraiment un morceau sur le pouvoir de l'imagination, un espace pardon, dans lequel on peut se réfugier et se mettre à l'abri. Et c'est un espèce de royaume mental, finalement, dans lequel on est un peu maître de ce qu'on pense et de ce qu'on crée. Et donc voilà, tout un concept autour de ça, en fait. Et en même temps, parallèlement à cette description des émotions, ça raconte aussi un peu la lente chute d'une personne qui traverse des périodes très très difficiles et qui termine finalement sur Que l'éclat fasse demeure, qui parle du pouvoir de la beauté comme quelque chose un peu de nourrissant qui nous soigne et qu'il ne faut jamais perdre. Cette espèce de petit éclat, de petite étincelle qui éclaire le du tunnel. Mais voilà, d'où le nom de l'architecture du vertige. Ça raconte vraiment cette espèce de vertige avant de retrouver le bout du tunnel. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai eu vraiment la sensation que le précédent album était plus dur et tu sais, même au niveau instrumental, tout ça avait tendance à plus taper et donc ben, à un lien plus direct avec la nature qui peut des fois être ben, plus dur. Et là, tu pars sur des choses qui sont plus des sentiments, on va dire. Et là, ben, d'ailleurs, votre label l'a mis dessus. Il vous caractérise de post-metal alternatif. Je trouve que c'est assez juste. Il y a des morceaux qui sont bien plus, on va dire, accessibles et doux, même dans ta façon de chanter. T'es moins dans la percussion constante. Donc, je suppose que c'était aussi une évolution volontaire pour faire évoluer, pour coller ouais. à la thématique. Oui, oui, complètement. Les Maîtres du Silence a beaucoup plus d'influence un peu. Post-Black, les Maîtres du Silence, comme c'était vraiment un rapport sur le vivant, le sauvage, on voulait quelque chose de beaucoup plus organique. Et il y a vraiment un rapport à la terre, à la forêt, au bois, au loup, à toutes ces créatures un peu sauvages. Et pour moi, la nature, elle est tout sauf tendre, en fait. Enfin, elle est très belle, elle est magnifique dans son côté foisonnant et sauvage. Mais ce n'est pas quelque chose de tendre et je suis quelqu'un qui est persuadé que la nature finira toujours par reprendre ses droits. Pour moi, c'est une vraie force en fait. Et c'est pour ça que cet album, il est très fort, très puissant, très poignant. Parce que je voulais redonner aussi à la nature cette puissance-là. En fait, et ce côté très organique, très terreux finalement. Et bah, donc, on avait un son beaucoup plus sombre, beaucoup plus black. J'avais un chant beaucoup plus sauvage, décharné. Qui pour moi fonctionnait un petit peu mieux avec l'esprit. Là, comme on traverse différents sentiments humains sur le nouvel album, voilà, je te dis, on a de la haine, de la colère, de la désillusion. Donc là, tu vas retrouver des morceaux qui tapent un peu plus, comme par exemple Naufragé des nuages, par exemple, qui est un morceau assez, assez énervé. Et tu vas avoir par contre des moments plus sur le deuil, sur l'amour, où là, ça va être un peu plus doux parce que bah, c'est la tristesse, c'est la mélancolie. L'amour, bah, y a une forme de sensualité aussi qui revient. Donc oui, j'avais besoin pour exprimer tout ça d'utiliser un panel vocal beaucoup plus large finalement. Après, c'est intéressant aussi pour moi vocalement, mais plus technique aussi. Mais du coup, en termes d'expressivité et de justesse, pour refléter ça, ça me paraissait mieux. La musique a un petit peu poussé dans ce sens-là aussi Alors, c'est toujours un jeu de. Souvent, la musique arrive même avant les thématiques. Il se trouve que sur l'album précédent, on était beaucoup plus sur des des gros contrastes entre de la musique métal qui tabassait un peu et des passages très très calmes. Et en fait, il s'est trouvé que sur cet album, on avait aussi envie d'explorer peut-être des passages calmes et qui étaient moins calmes et qui étaient peut-être un peu plus joués, un peu plus groovy, un peu plus. Et au final, j'ai envie de dire, sur le nouvel album, les passages calmes le sont beaucoup moins que sur l'album précédent. Ce qui a aussi imposé, d'une certaine manière, d'avoir beaucoup plus de vraies parties de chants chantés, peut-être. Et ce qui a apporté plus de possibilités sur l'expression du chant. Vous avez aussi pas mal collaboré sur cet album. Tu parlais tout à l'heure de la collaboration avec Sam de Point Mort. Vous avez fait deux autres aussi sur l'album. C'était intéressant de collaborer justement pour s'ouvrir un peu à d'autres méthodes de travail. Ouais, après, en fonction des invités, on n'a pas le même cas de figure. Par exemple, tu as comme invité déjà, on a Yannick Renaud au saxophone sur la cover de Fiera. Donc là, c'était une collaboration, enfin, entre guillemets, un peu forcée. En fait, on cherchait à mettre une ambiance particulière sur ce morceau. Et vraiment, l'idée d'un saxophoniste nous plaisait vraiment beaucoup. Et il se trouve que Thibaut connaissait quelqu'un qui était vraiment doué saxophone, donc Yannick, qui est venu et qui vraiment a posé son saxophone vraiment en une répète sur le morceau, c'est calé. Il est venu en studio, il a enregistré. C'est vraiment quelqu'un qui a une capacité d'improvisation assez Ouais, c'est incroyable. clair. Ouais, il a vraiment un jeu hyper intéressant et ça a donné tout de suite du cachet au morceau. En fait, c'était vraiment le petit truc en plus sur la reprise qui nous manquait. Pour Chris sur Archipelago, là c'était plus la volonté aussi de faire participer un peu plus Chris, qui est notre guitariste live sur l'album, puisque maintenant Chris il a été intégré définitivement dans Pearl. Donc Pearl n'est plus un trio mais à quatre voix maintenant. Et alors c'est vrai que Chris ne prend pas part à la composition de l'album. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a un avis toujours hyper intéressant en fait, et qui a toujours un regard extérieur sur ce qu'on fait, que ce soit en live ou sur de répétition. Et c'est vraiment quelqu'un qui a pris de la place dans le groupe. Alors, il a une place particulière, mais malgré tout, il participe beaucoup à la construction du groupe, notamment en live, sur la scénographie, sur la manière d'interpréter les morceaux aussi, puisque il reprend moi mes parties de guitare que j'enregistre en studio. Il les reprend à sa manière finalement, en essayant de ne pas dénaturer le morceau, mais de garder aussi sa patte à lui. Et ça rend aussi la chose intéressante en live. Et on lui a comme maintenant il fait partie du groupe, on lui a dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait pas sur un morceau de venir poser une deuxième guitare sur la mienne pour mettre aussi un peu de toi quoi sur cet album maintenant que tu es dans le groupe, même si tu composes pas tout sur un morceau, de faire aussi un peu plaisir de poser un peu ta ligne quoi. Et il a fait ça merveilleusement bien, c'est un super guitariste et la ligne mélodique qu'il a posée sur Archipelago est absolument sublime. Le morceau sans ça perd énormément et c'était vraiment un invité super pour ça. Et Sam, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà beaucoup échangé, dont j'aime beaucoup le travail sur Point Mort. Et voilà, on avait envie de se faire un morceau ensemble, de tester un peu nos devoirs, ce que ça pouvait donner. Là, le travail de composition a été vraiment différent. Il y a vraiment eu un travail en amont par rapport aux autres qui étaient un peu plus peut-être. Alors Chris a travaillé chez lui quand même pour sa prise guitare, mais c'est vrai qu'avec Sam il y a vraiment eu un travail en amont en studio sur les maquettes qui a été un peu plus poussé. Sam a posé pas mal de choses, a écrit pas mal de textes, donc on a dû travailler pas mal ça. Mais c'était intéressant parce qu'on travaille pas du tout de la même façon, on pose pas du tout nos voix de la même manière, donc c'est une autre manière de travailler, comme tu disais, c'est des expériences de studio qui sont intéressantes et qui font bouger un peu aussi les lignes, quoi. Sûr. Justement, tu as parlé de la reprise de Sol Saphir Fiera. Alors, c'est un morceau que moi personnellement j'adore chez Sol Saphir parce que je le trouve magnifique. Vous l'avez repris, mais vous l'avez pas repris, on va dire, trait pour trait. Vous l'avez repris à votre sauce, et ça, déjà, c'est super parce que refaire une copie, mais juste avec ta voix, ça aurait eu beaucoup moins d'intérêt, sens en tout cas. Mais ça a dû quand même être un sacré boulot pour vous parce que de base, c'est un morceau qui est quand même très calme et pas forcément avec batterie, guitare, basse, on va dire de façon traditionnelle. Et en plus de ça, il a fallu aussi traduire le chant. Ça a dû être un gros défi. Alors c'est hyper réussi, en tout cas je trouve, mais ça a dû être un gros défi pour vous. Ouais, ben, merci beaucoup. Mais c'est un morceau qu'on adore aussi. Et en fait, je pense qu'aucun groupe ne peut faire sonner Fiara de la même manière que le fait sonner Solstafir. C'est un toucher qui est absolument incroyable. Moi, je sais que je les ai vus un certain nombre de fois sur scène. À chaque fois qu'ils jouent ce morceau, c'est génialissime. Mais c'est vrai que c'est un morceau qui nous plaît beaucoup. Et en même temps, qui est assez répétitif dans la fabrication, on s'est dit qu'on pouvait se permettre d'une certaine manière de le complexifier un petit peu plus, en tout cas de rester avec les bases que que le morceau a, c'est-à-dire la mélodie principale, les accords. On s'est dit qu'il y avait moyen d'essayer de le faire sortir un petit peu de cette version originale qui est tout en progression du début à la fin. Et c'est vrai qu'au début, on s'est un peu retrouvé avec les tablatures sous les yeux et à se dire, à essayer de jouer le morceau et ça sonne absolument pas. Et la bonne technique, ça a été de se dire, mais on va juste garder un instrument sur les trois. Alors ça va être soit les accords de basse, soit la partie des accords de guitare. Et par contre, les autres instruments vont jouer quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que en gros, on part d'un instrument qui est le même que la version originale et on va demander aux autres musiciens qu'est-ce que vous joueriez là-dessus si jamais c'était un morceau de Pearl. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on a réussi à bricoler finalement le morceau pour donner le résultat final. Ouais, puis bon, c'était quand même un très bon kiff hein, quand même de travailler dessus, tu vois. En fait, pouvoir, voilà, déjà un morceau que tu adores et essayer de mettre ta propre patte. Enfin, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à recomposer par-dessus, tu vois. Et c'est un petit peu de m'éloigner de ce qu'avait fait le batteur d'origine, mais en même temps en s'en inspirant un peu. Et d'ailleurs, enfin, l'ex-batteur de Sostafir avait laissé d'ailleurs un bon message pour nous. D'ailleurs, il avait dit, je crois, aux gens de Season of Mist qu'on avait tout compris au morceau, je crois, un truc comme ça. Enfin, je me rappelle. Okay, parce C'était que les vraiment membres un de super message Solstafir qu'on ont eu avait reçu. l'occasion de l'écouter. Ah, c'est Oui, cool. oui, oui. En fait, on a dû demander leur validation pour que le morceau soit utilisable sur l'album. Et ils ont dit oui. Dont l'ex-batteur, voilà, qui nous a laissé un super message. Qui était d'ailleurs aussi le parolier qui avait d'ailleurs aussi écrit les paroles du morceau. Ouais. Donc c'était vraiment enfin un super compliment, quoi. Moi, vraiment, j'étais waouh. Trop cool, c'était chouette. Ok. Je vais commencer à prendre un peu de recul par rapport à la musique en elle-même et je voudrais qu'on parle un peu de la pochette qui, bah, comme un peu toutes vos pochettes depuis le début de votre carrière, est quand même très très jolie. Comment ça se passe? Vous les faites faire ou vous les faites vous-même parce que, en plus quelqu'un s'est dessiné chez vous? Non, non, pas du tout. Elle a été faite. En fait, c'est le travail de combiné de deux artistes. Il y a d'abord la photographe, donc Anaïs Devant, qui est aussi la personne qui a fait le clip de Naufragé des nuages et également nos photos promo. Et donc Anaïs Novembre avait de magnifiques photos, justement bah, faites en Islande d'ailleurs. Et vraiment, dont les couleurs et l'ambiance correspondaient parfaitement à l'album. Mais on trouvait que ça suffisait pas. On avait envie de faire un espèce de mélange et surtout, on a toujours eu un peu de dessin sur nos covers. Donc, on a cherché un petit moment et finalement, on s'est mis d'accord pour travailler avec Daphné Adotto, qui est donc une artiste pluridisciplinaire, aussi bien illustratrice que. Elle travaille aussi en tant que directrice artistique, elle fait aussi des vidéos, plein de choses. Donc, qui est basée sur Bordeaux. On a vu ces dessins qu'on a trouvé vraiment, vraiment magnifiques. Et donc, on lui a demandé si ça l'intéresserait éventuellement de venir dessiner des illustrations, mais pas sur du papier en fait blanc, vierge de toute trace, mais sur des photos et d'adapter en fait ces dessins par rapport aux photos. Et c'est quelque chose qu'elle a fait vraiment avec brio, puisque les dessins sont magnifiques. Donc, tous les gens qui vont acheter le vinyle ou le CD vont pouvoir voir à l'intérieur vraiment toutes les illustrations qu'elle a faites qui se mêlent aux courbes des photos en fait. Et le mélange est vraiment absolument sublime et on est super content de ce travail, quoi. Voilà, donc achetez vinyle et CD. Et allez voir les sites d'Anaïs Novembre et de Daphné Adotto, deux merveilleuses artistes. Mais c'est vrai que, comme tu disais, on n'a pas de grands talents plastiques dans le groupe. Et on aime beaucoup quand même. En fait, on a toujours fait appel à des artistes extérieurs pour nous faire les illustrations des albums qu'on réutilise ensuite dans du merchandising, des t-shirts, de la scénographie de scène. Donc, c'est vrai que ça nous. D'une certaine manière, on aime bien, je pense, construire un univers et voir ce que les gens vont en faire. On a la même approche avec les artistes graphiques qu'avec les guests, c'est-à-dire d'une certaine manière, on leur dit, bah voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce que tu peux faire par-dessus, qu'est-ce que tu peux rajouter, qu'est-ce que ça peut, en quoi est-ce que tu peux utiliser cet univers musical pour continuer à le nourrir avec ton propre univers. Et c'est pour ça qu'on est aussi très heureux à chaque fois d'aller voir des artistes qui ont des pattes graphiques qui sont assez différentes. On est toujours assez étonné du résultat. Ouais, c'est vrai que ça colle bien avec votre musique aussi. Ça me paraît enfin, être là, vous fonctionnez de la bonne façon, quoi. C'est hyper cool. Okay. Sur une partie un peu plus encore un peu plus éloignée, vous avez signé chez Chronosphère. Ce qui est une belle récompense pour le travail accompli jusqu'à présent. Est-ce que ça a modifié un peu votre façon de travailler, votre façon de tout faire sur cet album? Je vais laisser un peu les autres répondre. J'ai beaucoup parlé. Alors en fait, on n'est pas chez Chronosphère. Pour la partie label, en fait, c'est plus pour la partie attachée de presse, en fait. Le label, c'est le label de Terre Ferme, qui est un sous-label de Vlad, qui est, comment dire, un plus gros label, on va dire, plutôt dans tout ce qui est chanson indé, rock indé, etc. Et voilà, et du coup, Terre Ferme, en fait, avait pris l'habitude un peu de travailler avec la Chronosphère pour la partie presse depuis quelques temps. Mais ils parlent quand même de signature dans le sens où ils acceptent, où ils ont quand même un droit de regard qui est assez important sur avec qui est-ce qu'ils travaillent. Donc, même si c'est un travail d'attaché de presse et que ce n'est pas forcément une signature de label, ils aiment le présenter quand même comme un type de signature dans le sens où ils choisissent. Et c'est vrai que tu as raison dans ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils choisissent quand même les artistes qui vont. Qui vont accompagner. Voilà, exact. Ok. Parce que vraiment, la façon dont on me l'a présenté, le nouvel album, j'étais persuadé que vous étiez sur le label. Mais ok, c'est cool d'avoir justement la précision. Pas de soucis. Je vais finir en parlant plutôt live maintenant. Donc moi, j'ai eu l'occasion de vous voir une fois, c'était au Hellfest en 2024. C'était sacré quelque chose avec la pluie. Tu faisais partie des courageux levés à 10h le samedi matin, troisième jour de Hellfest, à aller se prendre la pluie devant la vallée. Ouais, ce qui est quand même. Parce que je voulais vous voir. Wow. On avait tous les fans de Houl devant nous là avec leur avec leur kawaii, tout ça. Le kawaii sur la tronche. Non mais ça avait vraiment donné une ambiance assez spéciale. J'ai trouvé que ce jour-là la pluie, tout ça, ça a donné une dimension encore. On n'a jamais eu d'aussi belle lumière que grâce à la pluie. Ouais, non mais c'était assez. Non mais c'est vrai, en vrai quand tu regardes les photos ou les vidéos. Tu te rends compte que la pluie et le côté un peu ciel couvert permet aux lumières de vachement ressortir et c'est super joli. En fait. Ouais, et ça, moi, en fait, je l'ai compris. Cool, mais pour nous, c'était chouette. Ouais. Moi, du coup, ça, en fait, je l'ai compris pendant le concert de chez Seawolf. Ouais. Aussi. À un moment, il s'est mis à pleuvoir et là, je fais. Waouh! On s'est un peu senti touché par la grâce, tu sais. T'avais Chelsea Wolf et t'avais une super lumière et la pluie en même temps. Là, je fais waouh, c'est trop beau! Mais c'est ça, ouais, ça a vraiment rajouté un truc. Du coup, je suppose que vous en gardez un super souvenir de ce passage à Clisson. Même ouais, si, effectivement, cool. Il aurait pu avoir peut-être plus de monde sans la pluie. Oui, mais c'était des gens qui étaient surmotivés. C'est ça qui était vraiment incroyable. Ouais, non, c'est clair, on est monté sur scène et direct on a entendu des gens qui faisaient ouais, on a fait waouh, ça nous arrive jamais ça. C'est trop bien quoi. C'était trop cool. C'est vrai que après malgré tout on a eu quand même pas mal de monde, surtout pour un samedi matin aussitôt. Et c'est vrai que tu te dis bah au moins les gens qui sont là sont vraiment là pour toi, tu vois, genre ils ont tout donné, ils se sont levés, ils ont mis le réveil, la gueule de bois de la veille. Ils se sont bouffés la pluie, tu vois. Enfin, ils sont restés en dessous pendant 30 minutes. Donc, c'est hyper plaisant. Et en vrai, il y avait quand même pas mal de monde. Enfin, pour un groupe comme nous, c'est déjà pas mal de monde, en fait, l'air de rien. Et non, il y avait une super ambiance. Les gens étaient vraiment à fond dans le concert. Et ça, c'est incroyable. Il y avait même des gens qui chantaient nos paroles. Ça, c'était ouais. Fou, ça. L'avantage du français. On avait un premier rang qui connaissait toutes les paroles par cœur. Ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'était incroyable. Et c'était ça a eu un vrai impact sur votre carrière ? Vous l'avez ressenti ? Alors moi, oui, un petit peu, au sens où le nom, c'est beaucoup plus diffusé. Tu vois, un soir, bah, je bossais dans un bar à Fontainebleau avec mes élèves de l'école de musique. Et là, en fait, je discute avec un mec. Et en fait, c'est le guitariste de... Enfin, là, l'un des gratteux de Vio Deitch. Alors du coup, on parle un peu, tu vois, moi je lui dis, bah ouais, moi ton groupe, ça fait longtemps que je l'écoute, tout ça, et du coup je parle un peu de Perle, il dit, ah ben ouais, Perle, mais oui, c'est bien ce que vous faites, tout ça, et ça fait longtemps que vous êtes là, bah j'ai vu que vous étiez Wellfest, et là du coup je me dis, waouh, ah, trop cool, un mec de Violday Tree connaît notre musique, enfin, ah, ça m'a fait bizarre, et... Puis là, tu vois, pareil, je sais plus, bah, j'étais au Menzies Metal Fest il n'y a pas très longtemps, et il y a un type qui vient me voir et qui me dit, hé, je vous ai vu au Hellfest, c'était trop bien. Je fais, ah, rockstar. Tu vois, donc, ouais, des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, ça m'est arrivé aussi dans un restaurant à Toulouse, un mec qui vient me voir et qui fait, je t'ai vu en concert. Je lui fais, bah, je sais pas, la cave à rock à Toulouse, il fait, bah, non, au Hellfest. Ah ouais, c'est vrai. Les retombées sur la carrière, c'est dur à dire parce qu'en fait, on a directement enchaîné sur la fin de la préparation de l'album. Et vu qu'on était vraiment, vraiment la tête dans l'album, on n'a pas forcément cherché de date immédiatement après. Ouais. C'est seulement maintenant. Alors, on travaille avec un tourneur, mais le nom de la boîte, c'est La Phoenix, c'est le chanteur-guitariste de Witcherius, qui justement nous cherche des dates pour une future tournée, mais on n'a pas eu ce truc immédiatement de se dire il faut qu'on cherche des nouveaux concerts et qu'on surfe sur la vague, parce qu'on n'était pas du tout dans le niveau timing, on n'était pas du tout là-dedans. Donc je pense que justement l'effet Hellfest, on le verra plutôt sur la sortie de cet album, à quel point il va être reçu, quel va être qu'est-ce que ça va donner en fait, d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tôt encore. Enfin, ça fait bizarre un an après de dire que c'est un peu tôt, mais maintenant, enfin, on sait tous que dans le monde de la musique, il y a beaucoup de choses qui sont assez rétroactives finalement. Et effectivement, derrière, on a fini sur l'album. Et après, j'ai envie de dire. Je pense que ça a quand même eu un petit impact sur la notoriété parce que, de manière purement pragmatique, on a continué à vendre quand même pas mal de choses. Et surtout, ça a l'air de rien, mais quand tu fais ton nouveau dossier de presse pour ton prochain album ou pour contacter des tourneurs, des webzines, avoir des articles ou des chroniques, bah, tout de suite mettre que ton groupe a joué sur le Hellfest, en fait, c'est déjà rien que ça, c'est bête, mais c'est un nom qui est tellement connu par tout le monde maintenant que ça a forcément un petit impact. Les gens, la plupart, se disent « Ok, ils ont fait le Hellfest quand même. Oui. » C'est pas... Ouais. Voilà, mais je pense que ouais, y a encore besoin un petit peu de temps pour vraiment voir à quel point ça va avoir de l'impact. On a déjà eu quelques retombées, mais je pense qu'on a besoin encore sur la longueur, notamment pour tout ce qui est date, tournée, de voir un petit peu ce que ça donne. Ah justement, je voulais finir par ça. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir dans les mois à venir ? Est-ce que vous allez annoncer bientôt des choses ? Est-ce qu'il y a déjà des choses annoncées ? Ouais, il y a deux dates, mais à chaque fois je me plante sur la première au niveau de la date, donc je vous laisse. 30 octobre. Voilà, 30 octobre. 30 octobre, Noctambule à Rennes. Donc là, ce sera une première release party rennaise, puisque notre label Terre Ferme est à Rennes. Donc on fait une première date là-bas le 30 octobre, et la deuxième, ce sera la grosse release party parisienne le 5 novembre à la Niche Antipode à Paris, avec Mozy en première partie. Voilà. Du coup, vous Pour espérez plus de dates, ça arrivera progressivement, mais on ne les a pas encore annoncés. ça va arriver. Ça marche. Alors, il faut rester connecté sur vos réseaux pour être Exactement. au courant. Ça marche. Ben, j'en arrive au bout de mes questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Tout ce beaucoup. que je peux dire pour finir, moi, c'est que avec le quatrième album, donc Architecture du Vertige, sort le 24 octobre, qu'il faut aller l'écouter. Moi, je me suis régalé, je l'ai écouté en boucle ces 15 derniers jours, je me suis régalé, donc Bon, vraiment, bah c'est cool. top. Et voilà, si vous avez envie de rajouter un petit truc, c'est avec plaisir. Mais sinon, on se dit au revoir. Ben, en fait, on remercie toujours les voilà, tu vois, les usines, les podcasts, les web radios, tout ça, parce que, en fait, voilà, nous on vient aussi un peu de là, tu vois. Aïn et moi, à une époque, on était sur un webzine en tant que chroniqueur, vers 2009 jusqu'à je sais plus quand. Donc voilà, on sait que ça voilà, comment dire, que ça a du coup une vraie importance dans la scène underground, et bah, merci pour tout ce travail, quoi. Ça, voilà, c'est grâce à vous qu'on est là. Voilà. On ne saurait dire mieux. Eh bien, Moi, écoutez, je dirais tout simplement bah, merci à tous ceux qui nous suivent déjà depuis bientôt 17 ans maintenant. C'est déjà énorme. On a vraiment des gens qui nous suivent depuis très longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Merci à la Terre Ferme, la Clonosphère, tout ça de nous soutenir, de nous accompagner pour la sortie de cet album. Ils croient en nous et bah, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Ils font du gros boulot parce que maintenant, sortir un disque, c'est vraiment du gros boulot. Et bah, merci aux artistes qui ont bossé avec nous, Daphnéa, Anaïs, les guests. Voilà, et puis bah, merci juste aux gens d'être là, quoi. Voilà. super. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Merci. Salut. Salut.